I didn't butcher you. Ça fait longtemps, hein? Je vous ai pas embêté. Everybody together. C'est quoi cette chanson? Everybody come together. Bon, alors j'ai décidé de venir chanter, ça y est, tout le monde s'arrête. J'avais un super truc en fait avec votre

Thank you. Children, you don't have fear. Rastafari is on your right chair. Wow. Bravo! Bravo, Ivan. Bravo, Drum Maniac. Bravo, Coma. Bravo, Ivan. Bravo, Ouvien. Thank you.